franceinter.fr. Bonsoir, bienvenue dans Autant on emporte l'histoire, une nouvelle émission de France Inter. Tous les dimanches soirs, avec la complicité d'auteurs, scénaristes et écrivains, de comédiens, de bruiteurs et de réalisateurs, je vous raconterai une histoire, celle d'un personnage, connu ou inconnu, dont le destin a été bousculé par les tourments de l'histoire. Des rois, des princesses, des mauvais garçons, des aventurières, des poètes. Ils se sont enflammés pour la Fronde ou la Révolution d'Octobre. Ils ont tremblé dans les tranchées de la Somme ou dans les cales des négriers. Traversé les mers, déjoué avec ruse les pièges de la censure. Des femmes, des hommes, des enfants aussi. Des êtres qui, malgré les siècles, nous ressemblent. Autant on emporte l'histoire, c'est une émission réalisée par Antoine Dabrowski, assistée de Christiane Alain Favre, à la technique Alice Berger, c'est jusqu'à 22h. Comme cela arrivera de temps en temps dans cette émission, c'est un personnage fictif que vous allez découvrir ce soir, une femme. Elle s'appelle Clara Morier. Elle est française, journaliste politique au Pays de Galles, belle sans doute, séduisante et mystérieuse sûrement, dans sa jupe couleur coquelicot et son manteau de fourrure. Nous allons la découvrir, déambulant dans les rues de Varsovie, à la recherche d'un jeune nationaliste polonais. Nous sommes en février 1871. Mais l'histoire personnelle de la jeune femme va la rattraper d'une manière troublante. Autant en emporte l'histoire, avec Stéphanie Duncan. Alors, je n'en dis pas plus sur cette histoire. Clara Morier, un personnage romanesque inventé de toutes pièces par vous, Shaïn Kassim, bonsoir. Bonsoir Stéphanie. Vous êtes écrivain. Alors, sans dévoiler l'intrigue, bien sûr, de l'histoire que vous avez écrite et que je vais vous raconter donc ce soir, dans quelques minutes. Comment est né ce personnage, Shaïn ? Alors, j'ai été très attachée à l'idée d'une femme qui déambulait dans le 19e siècle à travers certains pays qui étaient plus ou moins des métaphores de l'exil, de la politique, de la liberté. Et il m'intéressait beaucoup de voir cette jeune femme à Varsovie à cette époque-là, sachant que la Pologne a été quand même le pays de l'insurrection récurrente au 19e. Oui, parce que donc Clara Morier est un personnage fictif que vous avez inventé, Shaïn Kassim, mais en même temps on est dans un contexte politique historique tout à fait précis. Oui, d'ailleurs cette jeune femme, en cherchant le danger, je pense, se cherche elle-même. Et je pense que la formule poétique qui la définit le mieux, c'est de se promener dans un contexte historique dangereux, notamment à la recherche de ce jeune nationaliste que vous avez évoqué, qui s'appelle Rosinski, issu, comme souvent les protestataires de cette époque, de la noblesse polonaise. D'ailleurs, il y a une intelligentsia absolument innombrable qui s'est exilée en France au cours de ces diverses insurrections. Oui, parce qu'il faut rappeler que la Pologne, donc au 19e siècle, a été totalement dépecée. Elle est en partie occupée par la Russie tsariste. Oui, elle est totalement partagée entre la Russie, l'Autriche, la Prusse, qui en effet se taille un habit de choix avec ses parcelles de richesse polonaise. Et cette jeune femme cherche peut-être elle aussi, avec son manteau de fourrure, à se trouver une peau qui lui convienne. Dans cette Pologne occupée, dans les écoles, on n'a plus le droit de parler, même partout, on n'a plus le droit de parler polonais et les enfants doivent apprendre le russe. C'est tout de même une occupation très, très forte, très violente. Très violente. En effet, on est invité à parler russe et puis les diverses répressions russes ont été absolument épouvantable, puisque le personnage même de Rosinski a vu de ses propres yeux son père pendu par les Russes et la blessure symbolique, réelle, familiale est très très vive. Personne à cette époque-là n'a été épargnée d'une certaine manière. La blessure qui est présente dans chaque famille est aussi celle qui circule dans les artères de la ville où déambule Clara. Et Rosinski, je le précise, est aussi un personnage fictif, même si il ressemble à beaucoup des nationalistes polonais qui ont réellement existé à cette époque-là. Tout à fait. Il a un peu le profil que j'ai décrit auparavant, à savoir il est issu d'une noblesse. Hein. Et d'ailleurs, c'est ça qui va aussi être très compliqué à la fin des insurrections. C'est lorsque les paysans vont pouvoir se révolter contre les nobles, enjoints en cela par les Autrichiens. Et du coup, le dépecement social de la Pologne au 19e est absolument conséquent aussi. Eh bien, on va écouter tout de suite cette histoire troublante, très belle histoire que vous avez écrite, Shahin Kassim. On en reparle d'ailleurs avec vous tout à l'heure. Tout de suite, je vous propose d'écouter « Oiseau en cage », une fiction de Shahin Kassim, réalisée par Étienne Vallès. On dit beaucoup de choses sur Clara Morier. Femme insaisissable et antipathique, selon certains, d'autres, au contraire, lui trouvent un charme singulier, de l'esprit. Peut-être est-ce sa fonction qui la raconte le mieux. Elle est journaliste politique pour le Swansea Evening, une publication galloise. En cet hiver 1871, elle se trouve en Pologne. Les braises de la révolte d'autrefois ne sont pas éteintes. La résurrection est incarnée par un jeune homme nommé Joseph Rosinski. Érudit, arrogant et très intelligent, il veut libérer son pays du joug russe. Certains affirment qu'il le suivrait sans hésiter. D'autres prétendent que c'est un exalté et un fou dangereux. Où est la vérité? Et Clara est là depuis des semaines, rongeant son frein à Varsovie. Elle veut savoir. Inquiète, intriguée, curieuse, elle attend son rendez-vous avec lui. Il lui a promis un entretien. Elle tient enfin son grand reportage. Il lui semble que le monde bruisse de nouveau. Assise au restaurant de la Grand Place jusque tard, je prépare mes questions pour Rosinski. D'un geste sec, je referme mon carnet. Je n'aime pas être prête. Que tout soit écrit à l'avance m'insupporte. Une serveuse d'un certain âge débarrasse mon assiette en me jetant un regard venimeux. Les mots sortent presque malgré moi. Vous ne nous aimez pas, n'est-ce pas? Nous, qui? Nous, les journalistes, les étrangers. Ce n'est pas ça. Mais je vous entends discuter. Des fois, je comprends. Ou je devine à demi-mot. Mais vous ne nous aimez pas. C'est votre ton. Je ne supporte pas votre ton. Vous êtes sûr d'avoir raison, d'avoir compris. Et que savez-vous de ce qu'on a vécu? Racontez-moi alors. Mon père, mon frère, mon cousin, ils sont tous morts pendant l'insurrection. Les Russes ne nous ont fait aucun cadeau. Ils pendaient les gens dans la rue. Je sais. Non, vous ne savez pas. Vous ne savez pas parce que vous n'étiez pas là. Mes cauchemars ne seront jamais les vôtres, vous comprenez? Je ne peux pas souffrir comme vous avez souffert. En revanche, je peux le raconter, le plus honnêtement possible, avec votre autorisation. Vous voulez bien vous asseoir avec moi? Juste un instant, alors. Oui, c'est promis, juste un instant. Avant l'insurrection, j'avais plein d'espoir. Assise dans mon lit, je savoure en grelottant le froid qui envahit ma chambre d'hôtel. Le poêle s'est éteint depuis le milieu de la nuit, faute de charbon. Un lit convenable, une table pour écrire, une lampe à gaz, cela me suffit. Que surtout rien ne m'encombre, ni mes bagages, ni ma vie. Victor Hugo a dit d'un cirque glaciaire dans les Pyrénées, c'est un objet impossible et extraordinaire. Son mot est resté gravé dans mon esprit. Que mon existence soit un objet impossible et extraordinaire. Amen. J'ouvre la fenêtre pour chasser la sueur de la nuit, les mauvais rêves. Le froid serre au cou comme une écharpe de givre. Ce que j'aime les aubes glaciales à Varsovie. Clara quitte sa chambre. Arrivée au bas de l'escalier, elle s'immobilise pour admirer le décor, saisissant. L'hôtel est un palace à l'abandon, figé dans un temps ancien que peuplent des pas qui résonnent trop fort. Au rez-de-chaussée, de lourdes tentures ornent de hautes fenêtres aux vitres en verre cathédrale. L'immense pièce pourrait être une salle de bal, oubliée sous la poussière et les années. Sa désolation est presque réjouissante. Ce genre d'endroit n'est qu'un simple sas entre les époques. Il ne dure pas. Au contraire, il annonce un monde qui commence. Sa chevelure ébouriffée, ses traits éternellement tirés m'émeuvent à chaque fois. Il épluche un tas de journaux et essaie de les classer. Mon envie permanente de fuir et son assurance tranquille ont fait de nous un tandem merveilleux. Nous avons tant voyagé ensemble, partagé des moments amusants ou tragiques en Russie, en Pologne, en Angleterre. J'entre dans la salle des petits déjeuners et rejoins à sa table Galbraith, mon cher patron et ami. As-tu bien dormi, Clara ? Aucun cauchemar ? Pas d'apparition suspecte de Dorothy L. Simpson ? À cet instant précis de mon existence, tu m'agaces prodigieusement, Galbraith. Bien que Dorothy L. Simpson soit devenue le feuilleton de la semaine, ton obsession pour elle me paraît malsaine. J'ignore ce que cette fille me veut et j'ai aucune intention de la voir. Tu as tort. Autant d'insistance mérite d'être récompensée. Elle a laissé un mot ce matin. Elle est passée tous les soirs depuis 8 jours. Comment peux-tu être aussi insensible ? Que peut bien vouloir une journaliste de Women of Quality, un magazine de mode ? Savoir comment j'étais habillée lorsque j'ai rencontré les réfugiés russes ? Comment s'habille-t-on du reste pour recueillir les propos d'exilés qui ont échappé par miracle au bagne de Russie ? Tu es injuste et caricaturale. Prends Dorothy L. Simpson comme une distraction heureuse. En attendant Rosinski. Dorothea L. Simpson. Son nom fantôme flotte à ma conscience, car je ne connais pas sa silhouette, son allure, son âge, ni sa voix. Elle dit qu'elle veut me voir à tout prix. Elle laisse des mots griffonnés à la réception de l'hôtel. Je ne trouve jamais le temps de lui répondre, ou j'oublie. J'oublie, sachant que je n'ai pas véritablement oublié. En réalité, je repousse le plus longtemps possible sa demande d'interview. Une sorte de prémonition fait que j'écarte son spectre insistant d'un revers de main. Revenons aux choses sérieuses. Quand rencontres-tu Rosinski ? J'ai réussi à contacter Marzena, sa compagne. Je la vois au café aujourd'hui. Elle m'a assuré qu'il était d'accord pour une rencontre. Je ne fais aucune confiance à Marzena. Elle m'a laissé un souvenir déplaisant. Je la trouve terriblement romanesque. Je ne l'ai jamais rencontrée, mais je te fais confiance. Je me méfierai. Tu peux me traduire les grandes lignes de cet article, s'il te plaît ? Je parle assez bien polonais pour comprendre ce qui est écrit. Lisant une fois avec soin, puis deux pour être sûr, je résume l'article du journal dans ma tête avant de m'exprimer. Le rassemblement de Rosinski n'est pas formellement interdit. Mais que chacun soit bien conscient des risques qu'il prend. Autrement dit, la police sera là mais n'interviendra pas forcément. Du moins, tant que les choses ne dégénèrent pas. Pour ma part, je crains un attentat. Nombre de gens seraient ravis de se débarrasser de lui. Tu es venu à Varsovie très souvent ces dernières années. Tu connais bien la Pologne. Tu as sûrement une petite idée sur Rosinski. Me demande Galbraith. Bon, alors voici mon avis. La question se pose d'un point de vue logistique et non politique. Même si Rosinski se revendique nationaliste polonais, sans armée, il ne pourra rien. Les mieux organisés sont les militaires, pas les nationalistes. Eux ont vraiment les moyens de combattre les Russes. Mais Rosinski n'a pas dit son dernier mot. Que t'arrive-t-il ? J'ai horriblement mal au dos. Je n'arrive pas à rester assis trop longtemps sous peine de ne plus jamais me relever. Rosinski, j'en ai assez de ce type. Ces gens épris d'idéal me fatiguent. On ne sait jamais où on en est avec eux. Que disent-ils quand nous ne sommes pas là à leur prêter attention en partageant une bouteille de vin au secret d'un café dans la nuit ? Ces situations de roman qui embellissent la réalité de notre métier m'insupportent. À chaque fois que j'entends parler de Rosinski, je crois reconnaître un de ces révolutionnaires russes. Le nez dans un roman, la main sur la gâchette, ou pire, sur une bombe. Révolutionnaire russe, hein? Si Rosinski t'entendait, il te ferait tuer sur le champ. Ou pour parler comme toi, il tournerait la page de son livre d'une main en te faisant sauter la cervelle de l'autre. Si Galbraith sursaute devant la violence de son image, Clara, elle, rit aux éclats. Elle est assez à l'aise dans la violence. La provocation est son terrain de jeu favori. Elle aime se sentir dangereuse. Rien ne l'attire plus que la peur. À cet instant de la journée, Clara ne sait pas encore que le cœur des choses sera non pas Joseph Rosinski, mais celle qu'elle prend pour une mouche agaçante, Dorothea L. Simpson. La jeune journaliste de mode Women of Quality modifiera son existence. Te souviens-tu, Clara, du 12 février 1871 à Varsovie? Alors que je contemple des gants exposés dans un magasin, les musiciens dans le kiosque du jardin non loin répètent une valse triste que je connais bien. L'air frais glace ma gorge nue. Un sanglot étouffé monte de ma poitrine. Un souvenir inattendu m'a assailli. Je respire plusieurs fois profondément pour chasser mon malaise. Une jeune femme s'arrête à mes côtés. Son opulente chevelure blond-roux et ses yeux turquoises sont remarquables. Sa silhouette menue et sa mise élégante aussi. Sa présence immobile fait battre mon cœur un peu plus vite. Êtes-vous Marzena? Pardon. Excusez-moi, je vous ai confondu avec quelqu'un d'autre. J'ai cru un instant que Marzena m'avait suivie au lieu de m'attendre au café. Un vertige m'assaille. Je passe la main sur mon front en sueur. L'inconnu me regarde avec attention, puis touche son nez à plusieurs reprises. Vous saignez du nez? Avec un sourire un peu inquiet, elle me tend un mouchoir brodé. Alors que je veux attraper le carré de tissu, le journal que je tiens sous mon bras tombe. Une page froissée expose un visage séduisant et à l'air affable. Le visage de Rosinski me sourit en noir et blanc. Quelques gouttes de sang maculent le papier à terre. Funeste présage. Je ne suis pas superstitieuse. Excusez-moi pour le mouchoir souillé. Je peux vous en acheter un autre, il y en a sûrement dans ce magasin. Ce n'est qu'un mouchoir. Mais méfiez-vous de Varsovie. C'est une ville de contraste. Les étrangers y sombrent dans la mélancolie ou dans la paranoïa, c'est selon. Prenez soin de vous. Bonne journée. Intriguée, je la suis un instant des yeux, puis l'abandonne au coin de la rue où elle disparaît. Les événements de la matinée repassent dans ma tête. Le kiosque à musique. La ganterie. La jeune femme qui me tend son mouchoir et m'adresse quelques mots. Sans la moindre trace d'accent polonais. Clara Maurier, tu es une idiote. Un sourire se mêle à mon irritation. Mon agacement s'efface et un amusement le remplace. La bonne samaritaine qui a pris soin de moi un instant, c'est elle, Dorothea L. Simpson. Vous avez le nez tout rouge, sont les premiers mots de Marzena quand je la rejoins au café. C'est le froid? Ou alors je suis un clown et vous m'avez démasqué? Elle a l'air d'une fière et belle guerrière avec son port altier, presque hautain. Sa blondeur enfantine est celle des contes de fées. Son regard mobile scrute sans arrêt la salle. C'est ainsi que se conduisent les gens surveillés ou qui ont connu l'enfermement, je le sais. Je ne peux pas rester longtemps. Rosinski est d'accord pour vous voir, me dit-elle. Quand le verrai-je, Marzena? Demain soir, à 19h. Marchez jusqu'à la Grand Place. La rue à gauche du square donne sur une impasse. Si vous voyez de la lumière dans l'unique magasin qui s'y trouve, entrez. On vous dira comment et où retrouver Rosinski. Venez seul. Si je ne viens pas seule, l'entrevue sera annulée. Je connais la musique. » Elle se lève aussitôt. La conversation est terminée. Vous n'avez pas peur ? Parfois, comme tout le monde. Et si l'on est obligé de vivre dans la peur en permanence, comment fait-on ? Ma réponse meurt sur mes lèvres. Marzena est déjà partie, emmitouflée dans son manteau léger qui ne doit pas lui tenir bien chaud. Clara descend vers le fleuve en fin d'après-midi. Elle doit y retrouver Galbraith. Il a parlé d'une gargote non loin du premier ponton, là où les bateaux livrent les marchandises. Elle n'a qu'à laisser son nez la guider vers une délicieuse odeur de foie de volaille frit et d'oignon, a-t-il ajouté. Quitter la vieille ville, c'est entrer dans un monde de cris et de bruit. On dirait un immense chantier qui ne finira jamais. Clara n'aime pas les abords du fleuve, où abondent les usines en réfection et les entrepôts. Quelque chose dans cette frénésie l'oppresse. Dorothea L. Simpson m'a probablement suivie. Tu ne t'en es pas rendu compte ? Une erreur de débutante. J'étais plongée dans mes pensées. Un kiosque à musique m'a rappelé un quartier de Paris. Et quelques souvenirs. Galbraith ne fait aucun commentaire. Je peux compter sur sa discrétion. Il évoque le moins possible nos vies privées. Les seules allusions qu'il s'autorise sont liées à son meilleur ami, Garay, imprimeur et journaliste à Paris, fervent opposant à Napoléon III. Ils se connaissent depuis l'adolescence. Galbraith nous a présenté il y a 10 ans environ. C'est ainsi que j'ai rencontré le seul homme de ma vie. Même si nous sommes séparés à présent, nous nous écrivons très souvent mais évitons soigneusement de nous voir. L'orage se met à gronder dès que nous sommes dans la même pièce. Trop de reproches, de disputes, de mensonges et de malentendus. Alors nous avons décidé de ne plus jamais nous trouver dans la même pièce. Il a gardé ses infidélités, j'ai pris le large avec mes voyages. Son enthousiasme et la gaieté de ses engagements sont le principal enseignement de mon existence. Clara, dit la voix de Garay à mon oreille. Tous nos espoirs sont vains. Mais sans eux, nous ne pourrions certainement pas nous lever le matin. Sois optimiste, car il n'y a rien d'autre à espérer. Les cloches de l'église de la Grand Place sonnent 7 fois. C'est l'heure du rendez-vous avec Rosinski. À l'entrée de l'impasse décrite par Marzena, une vive lumière attire mon attention. J'avance de quelques pas. Il s'agit d'une échoppe, un oiselier. Je pousse la porte et une clochette tinte, signalant ma présence. Y a quelqu'un ? Eh oh ! Je circule à pas lents entre les perruches, les perroquets, les inséparables. Leurs gros yeux ronds leur donnent l'air stupide ou, au contraire, une expression avertie et mystérieuse. Soudain, tout devient silencieux. Les volatiles s'immobilisent, le regard aux aguets. N'est-ce pas ce que nous sommes ? Dit une voix derrière moi. Des oiseaux en cage. Je fais volte-face, la main sur le cœur. Je n'ai entendu personne s'approcher. Savez-vous que les oiseaux ont une mort très étrange, très rapide ? Un instant, ils chantent, et la seconde suivante, ils peuvent tout à fait tomber raide mort. Juste comme ça, dit Rosinski en claquant des doigts. Buvons un verre. Tenez, là, dans la remise, nous serons tranquilles. Nous sommes peut-être des oiseaux, Rosinski. Mais regardez attentivement. Les cages sont suspendues à différentes hauteurs. La couleur des plumages varie selon l'espèce. Et la diversité des sons est comme la diversité des pensées. Ainsi donc, vous croyez que jamais nous ne serons égaux ? Que tout est joué d'avance ? Déterminé par la qualité de nos cages et de nos plumages. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je m'en doute. Pour ma part, je reviens à ma conviction première. Nous sommes des oiseaux en cage. Revenons à notre reportage. Vous n'avez pas peur de sortir sans escorte? J'ai renvoyé mes gardes. J'en avais assez de leurs ombres anxieuses. Je n'y peux rien si on me veut du mal. Si quelqu'un veut m'assassiner, il y arrivera tôt ou tard. Qui pourrait vous assassiner? Tout le monde et n'importe qui. Des Polonais, des Russes, la police, un fou. Je ne suis pas important. Ce sont mes idées qui le sont. Qu'ont-elles de fabuleux, vos idées? Beaucoup d'observateurs disent que vous êtes un simple exalté en quête de célébrité. Un être épris de romantisme, sans aucune culture politique. On est plus dangereux en parlant de liberté qu'en décrétant un plan économique ou un programme politique. Les gens savent très bien ce qui est possible ou impossible de faire. En revanche, ils ont beau s'en défendre, ils croient à leurs rêves d'enfant jusqu'à la fin de leur vie. Ce sont des idées simples et nobles qui font avancer le monde. Or, les Polonais ne sont pas égaux aux Russes, alors que ce pays se nomme la Pologne. Le seul progrès qui vaille est celui qui met tout le monde à égalité. N'est-ce pas ce que vous avez écrit dernièrement, Madame Maurier ? Clara commence à prendre des notes, aussitôt rentrée à l'hôtel. D'abord, ses impressions pêle-mêle. Ses propos à lui, ensuite. Ceux dont elle est sûre. Elle se maudit de n'avoir rien écrit sur place. Mais tant pis, c'est ainsi. Lorsqu'elle a évoqué la mainmise russe, les yeux de Rosinski ont brûlé de pure haine. Elle sait que pendant l'insurrection, son père a été pendu par des soldats russes sous les yeux de son fils encore enfant. Il n'en a pas parlé, mais elle a deviné qu'il y a pensé, qu'il y pense tout le temps. L'annonce du rassemblement de Rosinski, prévu pour le lendemain, bruisse de rue en rue. Elle l'a constaté tout au long de la journée. Elle a entendu prononcer ou chuchoter son nom tellement de fois. Les gens sont intrigués, ils veulent le voir, ils veulent l'entendre, ils ont besoin de distraction. Clara aussi. Elle sort de sa poche le mouchoir souillé de Dorothea L. Simpson. Dans le lavabo, elle frotte très fort pour faire disparaître les taches de sang sous le filet d'eau. Elle veut qu'il soit parfaitement propre, immaculé, comme s'il n'avait jamais servi. L'Excelsior est un cocon élégant de tapis profonds aux couleurs discrètes. Des lustres magnifiques éclairent avec délicatesse le hall d'entrée. Rien à voir avec l'hôtel miteux où Galbraith et moi logeons. Je me dirige vers le bar, où des dames bien mises chuchotent à l'attention des messieurs en inclinant leurs jolis visages poudrés. Des chapeaux ravissants, des mains soignées et des rires discrets habillent l'atmosphère. Tout le monde se ressemble malgré les variations de robes et de teintes. Par instant, un bijou accroche la lumière et son éclat illumine une seconde sa propriétaire. Oiseau en cage, ne puis-je m'empêcher de penser. Lorsqu'elle entre, alors que j'attends depuis une demi-heure environ, son visage marque une vive surprise. Je lui fais un signe de la main. Elle approche d'un pas hésitant. Asseyez-vous, Dorothea. Elle s'installe tout au bord du fauteuil, les mains posées bien à plat sur sa robe de taffetas vert. Son air d'enfant sage qui a fait une bêtise m'adoucit un peu, malgré moi. Tenez, je vous ai rapporté votre mouchoir. Il ne fallait pas vous donner cette peine. Dorothea reprend contenance en avisant un serveur. Elle commande un chocolat chaud avec de la crème, m'interroge du regard. Un thé, s'il vous plaît, dis-je. Et des gâteaux, ajoute Dorothea. Bien, Miss Simpson, répond le serveur. Nous vous avons gardé ces douceurs au pavot que vous aimez tant. Il me semble que vous me devez quelques explications. Et ne m'entraînez pas sur vos chemins de traverse, je n'ai pas le temps de jouer une partie de poker avec vous. On m'a commandé un reportage sur une femme représentative de notre époque. Une personne singulière, attachante, au parcours original. Alors voilà, je vous ai choisi. C'est aussi simple que cela. Il y a quelque chose que vous ne dites pas. Mais vous êtes une personne relativement distrayante. J'ai un peu de temps à perdre. Alors allez-y, faites votre interview. Merci pour votre condescendance. Pourquoi une femme éduquée, intelligente, belle, se trouve à Varsovie avec une longue jupe coquelicot et un corsage défraîchi, des bottines usées et un splendide manteau de fourrure grise. J'aime les contrastes. Et je n'aime pas me réveiller en ne sachant pas comment m'habiller. Si bien que j'ai réduit ma garde-robe au strict minimum, voilà pourquoi je traîne à Varsovie avec un accoutrement aussi saisissant. Je ne voulais pas vous en forcer. Vous n'avez pas ce pouvoir. Reprenons. Vous êtes ici pour rencontrer Rosinski, un porte-parole pour le moins contesté de la cause polonaise. Pensez-vous qu'il a une légitimité pour s'ériger en défenseur de la nation ? Je ne crois pas. Ni lui, ni un autre. Mais il se trouve que son charisme, son charme et son attachement à ce pays le propulsent au premier rang. Aime-t-il le feu de la popularité ? Sans doute. Est-il sincère ? Je le crois. Les gens sont-ils intrigués par lui ? J'en suis certaine. Vous auriez pu faire carrière. Mais dans votre parcours, il y a beaucoup de silence, de disparition même. J'ai remarqué que pendant quelques années, vous n'avez pas écrit une ligne. C'était il y a longtemps. Tout de même. Vous avez une réponse ? Je faisais autre chose. Vous militiez en compagnie de Garay, un opposant de toujours à Napoléon III. Imprimeur et journaliste, personnalité orageuse et fervent militant de la... Garay est militant de toutes les formes de liberté. La liberté d'imprimer, de circuler, de penser... N'est-ce pas un cliché que tout cela ? J'ai cru en ce que nous faisions. Je crois en ce qu'il fait maintenant, même si je n'y participe plus. Vous êtes toujours en contact ? Vous et Garay ? Oui, toujours. Je veux dire, vous savez où il se trouve en ce moment ? En quoi cela concerne-t-il Women of Quality ? J'ai besoin de savoir où il se trouve. Je vous en supplie. Pardon ? Voyez-vous, il a disparu. Je n'ai aucune nouvelle de lui depuis plus d'un mois. Je le connais. Enfin, nous nous connaissons. C'est très important pour moi. J'ai besoin de le retrouver. Je l'aime. Sa gêne et son impudence marbrent de rouge son visage délicat. Ses yeux turquoises brillent de larmes. Son âme est ordinaire malgré sa beauté. Tu es commune, Dorothea L. Simpson. Tu n'as aucune dignité. Une seule phrase tourne en boucle dans mon esprit pourtant. Dorothea L. Simpson, je voudrais que tu sois morte. Mon ressentiment s'efface. La vieille habitude revient. Si Garay a disparu, c'est qu'il ne veut plus d'elle. En attendant qu'elle le comprenne, je lui souris avec autant de gentillesse que je peux. Tout le monde aime Garay, chère Dorothea. La nature m'a fait don d'une grâce remarquable, fort utile dans la difficulté. À peine suis-je allongée sur un lit que je m'endors instantanément. Un sommeil sombre et sans rêve, lourd comme du velours, vide comme un précipice. Je me réveille tout habillée au milieu de la nuit. Assise derrière la table, je me mets au travail. Rassemblant mes notes, raturant et réécrivant, je finis le reportage sur Rosinski au petit matin. Que tout cela me lasse soudain. Une fois le rassemblement de Rosinski terminé, je prendrai le train de nuit pour Pétersbourg. Je n'ai plus rien à faire ici. Une petite foule s'est déjà rassemblée au pied de l'estrade. Des gens très différents sont là. Des couples à l'allure bourgeoise, des adolescents au regard fiévreux, des jeunes filles qui se tiennent par le bras. Une dame d'un certain âge se tient à l'écart, souriante. Peut-être est-ce là la force de Rosinski ? La capacité à intriguer des personnes de toutes sortes ? Je te donnerais bien mon avis, Clara, mais tu n'as pas idée comme mon dos me fait mal. Il me semble que la douleur monte lentement mais sûrement jusqu'à mon esprit. Ah tiens, regarde tout de même par ici. Quelques policiers ont discrètement pris place à bonne distance. Avec 20 minutes de retard, comme il se doit, Rosinski monte sur la scène. Des applaudissements polis l'accueillent. Le silence se fait. On attend son discours avec intérêt. Dorothea L. Simpson, là, dans les premiers rangs. Ah, nous voici tous réunis, enfin, nous répond Galbraith. Viens, viens, reculons. C'est sûrement moi qu'elle cherche. Je n'ai pas la moindre intention de lui parler à nouveau. Des fourmis commencent à monter le long de ma jambe. Je secoue le pied, agacé. Qu'est-ce que tu as ? Me demande Galbraith. Des fourmis dans les jambes. Sur l'estrade, Rosinski écarte les bras dans une position toute christique. Je ne compte pas vous convaincre ce soir, s'écrie-t-il, mais je vous invite à me retrouver ici même, chaque vendredi. Nous parlerons, nous échangerons, nous dialoguerons, nous serons ensemble. Oh mon Dieu ! Quelqu'un tire dans la foule ! Viens, ne restons pas là ! Viens, Clara, bon sang ! Hurle Galbraith. Je pousse un cri. À quelques mètres devant moi, la silhouette de Dorothea L. Simpson vient de s'affaisser d'un coup, comme une poupée de chiffon. L'affolement est général. On cherche un proche avec anxiété, on appelle quelqu'un par son prénom. Dans le brouhaha et l'agitation, je perds de vue Dorothea. La police empêche d'avancer vers l'estrade. Elle disperse le petit groupe qui refuse de quitter les lieux avec fermeté, voire brutalité. Galbraith, j'ai vu Dorothea L. Simpson dans les premiers rangs. Une balle l'a peut-être touchée. Ne bouge pas, je vais me renseigner, me répond-il. Quand Galbraith revient, je cesse à peine de trembler. On nous renvoie vers l'hôpital ou la morgue. Il paraît qu'il y a 5 morts, dont Rosinski. Une balle dans la tête, une autre dans le cœur. Celui ou ceux qui ont tiré savaient ce qu'ils faisaient. Très bien. Tu te rends à l'hôpital, moi à la morgue. Nous nous retrouverons dans une heure à notre hôtel. Avec de bonnes nouvelles de Dorothea L. Simpson, espérons-le. Individu de sexe féminin, 20 ans environ. Une balle dans la nuque. Mort instantanée. Pas de papier d'identité. Effet trouvé, un gâteau au pavot enveloppé dans un mouchoir blanc. Je prends le train de nuit pour Pétersbourg comme prévu. Peu importe les événements ou les contretemps, je fais toujours ce que j'ai décidé. Galbraith, qui m'accompagne sur le quai, me serre contre lui un peu plus longtemps que d'habitude. Ce n'est pas ta faute. Tu n'y es pour rien. Ôte-toi cette idée de l'esprit. Je lui caresse la joue avant de monter dans le train. Je vais bien, Galbraith. Ne t'en fais pas. Je m'enveloppe avec volupté dans mon manteau de fourrure. Je m'y sens à l'abri. Mes paupières tombent, puis se ferment. Voilà, tout est bien. Je vais dormir. Longtemps. Profondément. Peut-être même n'ouvrirai-je pas un œil avant Pétersbourg. Clara se sent revivre une fois arrivée. Elle retrouve avec joie la pension où elle a ses habitudes. Le salon familier où elle boit une vodka givrée ou un thé brûlant selon l'humeur du moment. Le fantôme de Dorothea L. Simpson recule au fond de ses pensées. Les traits de la jeune femme s'effacent. Le son de sa voix s'évanouit peu à peu. Madame Maurier, un paquet est arrivé pour vous ce matin. Merci Natalia. Je vous dis à ce soir. Bonne journée. Je le range dans mon sac. Je l'ouvrirai plus tard. Rien au monde ne peut empêcher ma promenade quotidienne au bord des canaux féeriques de Pétersbourg. Ce paysage parfois lugubre me rassérène. Il ramène toutes mes espérances à la hausse. J'en aime les défauts, la perspective immense, la ligne d'horizon comme une ligne de chance. Le canal de la Neva, celui qui emmène les bateaux vers la mer Baltique, me fascine à chaque voyage. Je chantonne doucement le vieil air russe que tout le monde connaît. Je suis seule au monde et n'ai que le ciel au-dessus de moi. Quand j'ouvre l'enveloppe, un magazine en tombe. Celui pour lequel travaillait Dorothea L. Simpson. Je ramasse Women of Quality. Les mots dansent devant mes yeux. Une photo de moi illustre un long article. Clara Maurier, Portrait d'un oiseau rare, par Dorothea L. Simpson. Je cherche avec frénésie la date de parution. La semaine passée, cela fait au moins 3 mois que j'ai quitté Varsovie. Les jambes flageolantes, je m'assieds sur un banc devant le fleuve, m'attendant à tout instant à voir surgir la gracieuse silhouette de Dorothea L. Simpson. Peut-être a-t-elle eu l'opportunité d'envoyer son article avant le rassemblement de Rosinski ? Ou simplement a-t-elle survécu et se rappelle à mon bon souvenir ? C'est moi maintenant qui aimerais voir Dorothea L. Simpson. Cette nuit-là, je dors très mal. Mon rêve me transporte chez l'oiselier de Varsovie. Au beau milieu des perruches et des inséparables aux yeux ronds, les cages sont balayées par un vent puissant. Certaines tombent à terre et des perruches vertes s'envolent. Les ailes battantes, elles cherchent désespérément une issue. « Rosinski !» je crie dans le fracas. Mais c'est Dorothea L. Simpson qui apparaît. Elle tient dans le creux de sa main un sablier où s'écoule une poudre dorée. Son visage est recouvert d'un masque de plumes noires incrusté de brillants qui évoque un somptueux volatile. Elle avance dans un halo de lumière et prononce d'une voix très douce les tout premiers mots de Rosinski. N'est-ce pas ce que nous sommes ? Des oiseaux en cage ? C'était donc « Oiseau en cage » de Chahine Kassim avec Élodie Hubert, Clara Morier, Pierre-Jean Pagès, Galbraith, Florence Lecor, Dorothea L. Simpson, Slimane Yevza, Rosinski, Pauline Bell, Marzena, Aurélie Nusillard, Natalia et Marie Daude, la serveuse. Bruitage Frédéric Antoine, prise de son, montage et mixage Cédric Chatelus et Martin Delafosse, assistante à la réalisation Lee Torquia, réalisation Étienne Vallès. Vous écoutez Autant en emporte l'histoire sur France Inter jusqu'à 22h. Dans un instant, on parle avec vous, Chahine Kassim. Pensées impures sur fond d'azur, pensées mortelles sur fond de ciel, au fond du bassin. Final scene, son corps m'entraîne au fond de la piscine. De la piscine. Transpercée de 1000 couteaux, elle balance au fond des eaux. Extatique, elle touche le fond et s'abandonne folle à mes démons. À mes démons. Pensée mortelle, tu fonds le ciel. emporte l'histoire, Stéphanie Duncan. C'était Mortel par Rhône avec Étienne Dao. Shahine Kassim, on a entendu donc votre fiction, Oiseau en cage, l'histoire troublante de Clara Morier, cette journaliste partie à Varsovie en 1871 à la recherche de Rosinski, nationaliste polonais, une histoire très romanesque. Qu'est-ce que ça vous fait d'abord d'entendre un texte comme ça qu'on a écrit, des personnages qu'on a inventés, tout à coup qui se mettent à parler, à prendre vie Ça vous fait quoi, Shahine Kassim ? C'est très troublant au début, puisque quand on écrit, ce sont des voix qui murmurent dans nos têtes. Et l'incarnation portée par les comédiens, le fait de les entendre un peu plus fort, vous restitue le texte d'une autre façon. Et peut-être, au fur et à mesure, on en découvre les véritables intentions. Alors, l'histoire que vous avez écrite, qu'on vient d'entendre, est très troublante. Alors, pourquoi d'abord, pour vous, cet intérêt pour cette période de l'histoire, la Pologne du 19e siècle, donc, qui subit le joug de la Russie, c'est un intérêt particulier ou c'est plus largement un intérêt pour les jeunes révolutionnaires, les jeunes opposants politiques de l'époque ? Alors, les deux, mon capitaine. Dans un premier temps, je trouve que la Pologne est quelque chose de totalement métaphorique, puisque c'est un pays qui, parfois même, disparaît de la carte, est restitué dans des frontières étranges et puis devient une province et puis redevient à nouveau un pays. Donc j'ai trouvé ce parcours de la Pologne, comme on le dirait d'un être, très intéressant et qui a des échos jusqu'aujourd'hui, puisque je pense que la frontière est un peu la problématique du 21e siècle. On le voit dans l'actualité. Il y a quelque chose qui résonnait en moi par rapport à cette histoire, sans doute dû à ma propre condition de femme vivant en France, mais n'étant pas née en France. Il y a quelque chose de ce patchwork qui constitue notre identité que je trouvais assez bien représenté par la Pologne à ce moment de l'histoire. Oui, vous êtes, je le précise, vous êtes née à Madagascar d'une famille d'origine indienne. Vous vivez en France depuis l'âge de 7 ans. Vous êtes écrivain française, bien sûr, et vous adorez la littérature anglaise. C'est une évidence pour vous, tous ces va-et-vient entre les pays et les cultures, c'est quelque chose de normal aujourd'hui ? Oui, je pense que c'est comme lorsqu'on joue du piano et qu'on est devant un clavier, l'improvisation qu'on invente est la sienne d'abord. Ensuite, la langue qu'on a choisie comme patrie, en l'occurrence pour moi le français, permet de constituer une musique un peu plus élaborée, dirais-je. Et ce côté parcellaire de mon identité est une évidence d'écrivain, à mon sens. Et ces personnages, donc ces opposants politiques, il y a Clara Morier qui est une jeune femme indépendante, Garay qui est là aussi en arrière-plan, cet opposant à Napoléon III, Rosinski bien sûr. Vous les aimez ces personnages passionnés, un peu écorchés comme ça ? Oui, je les aime beaucoup dans la mesure où ils prennent le risque de vivre, c'est-à-dire de se tromper, de ne pas être dans le pays qui est le leur, de ne pas défendre forcément ce qui va de soi. Même Rosinski, je trouve que d'une certaine manière, il y a quelque chose dans sa hauteur de vue qui est plus grande que la politique dont est l'objet son pays, qui est complètement dépecé par trois puissances autour. Et en même temps, vous faites dire à votre personnage que ma vie soit un objet impossible et extraordinaire. C'est beau cette phrase, c'est tiré de Victor Hugo. Oui, c'est d'abord Victor Hugo est une figure emblématique pour tout exilé qui vit en France, oui. Que ce soit un cliché ou pas, puisque cela peut vous être reproché parfois. J'ai beaucoup aimé cette image parce que je la trouve très symbolique de aussi la condition féminine, du parcours des femmes à travers l'écriture, la société, le droit, ce qu'on peut obtenir. C'est un combat à la fois impossible et extraordinaire, mais qu'il faut mener toujours. Donc c'est une métaphore, je trouve, assez juste et un peu distancière, parce que lorsqu'on observe un paysage qui a une forme comme ça lunaire, on se sent à la fois très petit et en même temps assez éloigné de son objet pour pouvoir le regarder avec précision. Et ces personnages cherchent à créer leur vie aussi, à faire de leur vie quelque chose de spécial. Oui, quelque chose qui soit le plus proche possible de ce dont ils rêvent. Alors après, il y a le bon vieillage qui vous aide à arrondir quelques angles peut-être, mais sans jamais renoncer. Je pense que la position éthique absolue, c'est de ne pas renoncer, de ne jamais renoncer, même si on est à genoux. Et c'est ce combat-là que essaie de mener Clara avec un peu d'allure et un peu d'amusement et un peu de distance, même si elle est rattrapée ensuite par une blessure personnelle. Oui, la distance, vous le disiez, on le sent hein, dans la fiction. Par exemple, Galbraith qui dit, donc l'ami anglais de Clara Morier, qui lui dit « Oh, c'est révolutionnaire, ils me fatiguent avec leurs grandes idées ». Et puis même Clara, quand elle rencontre Rosinski, elle lui dit « Est-ce que vous êtes sincère ou est-ce que vous êtes un exalté en quête de célébrité ?» Il y a aussi, ça peut être aussi ça, un opposant politique. Oui, mais je pense que ce qui leur tient à cœur à tous les deux, et je pense que c'est l'endroit aussi où s'entrecroisent leurs parcours respectifs, c'est que ce sont deux personnes qui en ont fini avec la posture, qu'elle soit politique ou personnelle. Clara en ayant ce point de vue de voyageuse politique, disons. Galbraith avec cette espèce d'amusement. Je crois que c'est des gens qui, une bonne fois pour toutes, ont décidé que la posture serait à traquer dans leur combat personnel, politique, intellectuel. Et peut-être c'est de ça dont il s'agit lorsqu'on dit « Oh, c'est révolutionnaire russe, il me fatigue ». La fatigue, elle est très souvent liée à la posture. Quand on entend une pensée, on est plutôt revigoré. Quand on est fatigué, c'est déjà ça va plus très bien. Ouais. Ouais. Et pourquoi des oiseaux en cage? Est-ce que nous sommes tous des oiseaux en cage? Oui, mais peut-être que la cage est ouverte. Ah. C'est ce que j'ai trouvé pour me consoler, parce que j'ai réfléchi à ce titre. D'abord, j'ai une peur panique des oiseaux. Ouais. Et je trouvais que c'était intéressant de la transformer en objet de curiosité et d'enquête pour moi-même, et d'en faire quelque chose. Et je pense, en tout cas, je veux croire que nous sommes des oiseaux en cage, mais que la porte est ouverte, que la cage est ouverte, qu'on peut s'en échapper. C'est peut-être aussi, je ne sais pas, ma petite mythologie de Sisyphe à moi. Il y a à la fois l'enfermement et la condition de sa libération dans cette image. Oui, c'est la condition humaine de l'enfermement et d'une liberté possible, la condition qu'on cherche sa propre voie. Absolument, c'est exactement ça, oui. Il y a quelque chose aussi de très intéressant dans cette posture, c'est l'endroit d'où un oiseau peut observer, puisqu'on a l'impression que lorsqu'on regarde des cages ou qu'on se retrouve chez un oiselier, on a l'impression que c'est eux qui vous regardent. Et on a cette sensation parfois furtive et assez inquiétante de se sentir soi-même en cage et que eux, leur regard à travers les barreaux, vous voit comme un individu enfermé dans ses impossibilités. Oui, c'est un peu ce qu'on peut éprouver aussi en regardant des singes. Exactement. Dans les eaux. Les yeux, les mains, cette projection de soi-même et à la fois cet orgueil démesuré de se dire « je suis de l'autre côté de la cage ». Qui est dans la cage et qui est de l'autre côté ? Merci Shahin Kassine. Le personnage de Clara Morier, on pourra le retrouver dans un roman que vous avez écrit, Camarade, qui sortira en janvier prochain aux éditions L'École des loisirs. Alors, L'École des loisirs, ce sera dans une collection pour grands ados, mais tout à fait lisible aussi pour les vieux adultes que nous sommes. Ou... Tout à fait lisible par tout le monde. c'est pareil, écrire pour des ados, écrire pour des grands. C'est quoi différence? La différence, c'est quand on ne se pose pas la question. Et moi, je ne me la pose pas. Je me suis tout à coup aperçu en écrivant pour votre émission que j'avais écrit pour les adultes. Mais enfin, je m'en suis aperçu après. Des ados qui nous écoutent. Hein. Et oui, mais cela dit, quand on écrit, on écrit et c'est tout. C'est une très jolie fin. Voilà, Autant en emporte l'histoire est terminé pour ce soir. Vous avez entendu ce générique, je sens que je vais beaucoup l'aimer cette année, composé spécialement pour nous par le talentueux Clément Ducol. L'émission, bien sûr, est réécoutable, podcastable sur notre site franceinter.fr où j'attends vos commentaires avec impatience. La semaine prochaine, exceptionnellement, pas de fiction, mais une émission spéciale où nous parlerons histoire et littérature avec une comédienne, Marianne Denicourt, et avec trois écrivains. Judith Pérignon pour son roman Victor Hugo vient de mourir, décidément Victor Hugo, il est toujours avec nous. Consacré donc ce roman, comme son titre l'indique, à la mort du grand écrivain en 1885. Agnès de Sarthe aussi sera là pour son roman Un cœur changeant. Et François Racheline évoquera la mémoire de son père, injustement méconnu, Lazare Racheline, auquel il vient de consacrer un livre, LR, les silences d'un résistant, car il était résistant. Autant n'emporte l'histoire, dimanche prochain donc à 21h. Très bonne soirée à tous. Merci Stéphanie Duncan, à dimanche prochain. Et ce soir sur France Inter, la photo est bonne. À 23h10, Brigitte Patient reçoit le photoreporter Jean-Pierre Lafont. Et dans un instant, cap sur l'Afrique avec Soro Solo.